pour ceux qui ne connaîtraient pas Yanis, on va aller très vite. D'abord, tu es grec d'origine, tu vas très souvent en Grèce, tu participes à l'équipe de ciné mensuel et tu as écrit aux éditions Libertaire deux livres très intéressants, dont l'un spécifiquement sur la Grèce, qui s'appelle « Paroles des murs d'Athènes », c'est ça. Et un autre, « Derrière les mots », et là aussi sur Internet, on trouve un petit montage que tu as fait là, un peu avant les vacances, assez amusant et assez intéressant autour de ce livre. Donc ces deux livres, on peut se les procurer dans les bonnes librairies, notamment à Publico, et c'est aux éditions Libertaire. Et on a aussi avec nous Samuel Val qui va nous parler, alors on va voir, on va d'abord peut-être parler un petit peu de la situation actuelle en Grèce, de l'actualité, mais bon, de toute façon, ce film, on parle, ce film s'appelle Grèce Générale, donc qui devait être diffusé, je crois qu'il est mis qu'il n'a pas pu, sans doute pour des raisons techniques. Enfin bon, on va parler de tout ça, comment vous avez conçu ce film, ce documentaire, et dans quel esprit vous l'avez fait, comment vous pensez l'utiliser, et est-ce que ça amène des débats. Enfin, ça, on aura l'occasion d'en parler, notamment avec Yanis, bien sûr, qui le connaît bien. Et donc, autour des micros, Serge, Monique à la technique, et Jean-Pierre aussi, qui nous a rejoint, ce qui est, c'est un sujet qui l'intéresse beaucoup, et il a envie de poser des questions. Voilà. Donc, et puis aussi, des auditeurs dans la salle. Bonjour, Aude. Voilà. On va démarrer peut-être avec Yanis. Effectivement, on va pas te demander, comme on a fait dans l'émission de 2 heures, de refaire l'historique, de parler un peu des diverses propositions qu'il peut y avoir pour sortir de la situation actuelle. Mais je préfère partir qu'est-ce qui te paraît, toi, important de dire dans l'actualité très récente. On est sorti des élections avec une majorité faible pour le parti de droite, mais avec le système de répartition des voix qu'on va pas détailler, ça donne à la droite une majorité finalement avec quelques alliés. Désespoir tout de même, de beaucoup d'espoir d'ailleurs, de changement qui continue, des luttes certainement. Donc je te laisse un petit peu le choix pour nous dire ce qui te paraît le plus important. Après, peut-être on posera des questions pour préciser et on parlera aussi du film, bien sûr. Bonsoir. Oui, actuellement en Grèce, il se passe pas mal de choses, d'autant plus que l'événement nouveau, c'est cette fin de période électorale qui était à rebondissement, puisqu'on a eu droit à 2 élections coup sur coup. Et durant la seconde, donc, ce terme particulièrement triste, puisque ça va conduire la Grèce à être toujours plus dans cette voie de la subordination aux puissances financières. Néanmoins, l'opportunité libertaire là-bas est relativement intéressante, en ce sens qu'il n'y aura pas une désillusion politique avec un gouvernement qui peut-être n'aurait pas pu faire grand-chose, bien qu'il avait peut-être de bonnes idées, hein, ce projet Syriza, pour certains points, notamment le refus de payer la dette, sur certains points, par rapport à cette histoire aussi de la dette allemande qui a été payée et versée à tous les pays d'Europe, à l'exception de la Grèce, puisqu'à l'époque c'est la guerre civile, à l'époque où elle était payée un petit peu partout. Et puis, donc il y a une opportunité par rapport à une forme de décompression et de désillusion, et la nécessité de repartir de façon plus lucide par rapport à des projets plus concrets sur le terrain. Quand je parle de terrain, je veux dire en ville, notamment les espaces sociaux libres, les créations de liens sociaux, et surtout à la campagne, puisqu'actuellement il y a un exode urbain très important à Athènes et encore plus important depuis les élections. Voilà, toujours autant de rideaux de magasins fermés, il y a beaucoup de logements en location qui ne trouvent pas de locataires, ou à vendre qui ne trouvent pas d'acquéreurs, tout simplement parce que tout le monde fuit Athènes puisqu'on n'arrive plus à vivre, alors qu'à la campagne, dans les chorio, comme on dit, c'est-à-dire dans les petits villages de campagne où les gens n'ont pas une maison secondaire mais ont simplement une cabane pas loin de la maison de leurs grands-parents par exemple, ils recommencent à cultiver un petit bout de jardin, essayer de réparer des choses qui étaient laissées à l'abandon, des véhicules qui étaient laissés à l'abandon par exemple, essayer de trouver d'autres moyens de s'organiser, créer du lien, et inventent des procédés qui en France ne sont pas vraiment nouveaux, les AMAP, les SEL, etc., mais qui là-bas sont non seulement développés mais même encore plus pertinent quelquefois, avec des innovations dans ces domaines. Oui, d'ailleurs, sans faire le parallèle, la situation était différente, mais en Argentine aussi, quand y compris les classes moyennes ont été acculées d'un stress à des problèmes de survie alimentaire, effectivement, il y a des choses, enfin, tu connais, on ne va pas développer là-dessus, puisque de toute façon, je crois qu'on aura un autre sujet avec des Argentins, mais enfin, là aussi, il y a des initiatives populaires qui sont prises et très fortes, hein. Donc c'est un petit peu le parallèle. Tu parles de la campagne, j'ai eu l'occasion, là, à la foire autogestion, de discuter avec un compagnon grec, que j'ai découvert et qui lui en fait était en Crète, et il disait, alors je sais pas si tu as des échos là-dessus, mais il disait qu'il y avait, je sais plus, un certain nombre de communes, mais assez importants, qui s'étaient complètement autonomisées de l'État et qui se coordonnaient entre elles, etc. Je sais pas si tu peux en parler, oui. Si tu as des échos, ça m'a beaucoup intéressé, mais il a pas eu le temps de... Pas loin de Rétimnon en Crète, je connais un exemple en tout cas, oui. Il paraît qu'il y en a un autre en Thessalie, c'est-à-dire plus en direction du nord, vers Salonique. En fait, c'est des initiatives autogestionnées de fait par la contrainte, on va dire. Hein. C'est un peu comme le cas de l'hôpital de Kilkis, c'est un peu le cas du journal Eftelotipia. À chaque fois, dans tous les domaines, c'est par la contrainte finalement, et c'est peut-être valable aussi pour les individus, je crois. Hein. Donc pour les groupes, que ce soit politique, en l'occurrence une commune, ou qu'ils soient économiques, en l'occurrence un journal ou un hôpital, même si la fonction n'est pas qu'économique, bien sûr, il y a une contrainte qui conduit finalement le groupe à essayer autre chose. Cette autre chose, c'est une formule plus autogestionnaire et coopérative. C'est ça qui est assez intéressant. Par contre, il faut reconnaître que le fonctionnement est limité, comme pour le cas de l'hôpital, avec les urgences qui marchaient et encore, avec des moyens qui n'étaient pas forcément tous ceux qu'on pouvait espérer. Donc pour l'instant, c'est balbutiant, mais c'est quand même très intéressant. Et je pense que cet aspect-là de la contrainte est déterminant. C'est-à-dire que, quelquefois, il faut que les événements nous donnent un coup de pied au cul, excusez-moi de le dire comme ça, y compris pour les individus, pour qu'on se rappelle un petit peu aux valeurs essentielles qui sont les nôtres en termes de liberté, puisqu'on parle ici sur Radio Libertaire, et donc tout ce qui constitue les fondamentaux historiques, idéologiques et même étymologiques du mot anarchie ou du mot libertaire nous conduisent à nous questionner sur l'alignation dans laquelle on peut tomber. Par exemple, quand on parle de décroissance, puisque là-bas, c'est de la décroissance subie, 7 à 10% de décroissance, de baisse du PIB, comme on appelle, puisque c'est le critère, même si nous, il ne nous plaît pas beaucoup, on peut considérer quand même que cet état de fait conduit les personnes à modifier un mode de vie dans lequel ils étaient un petit peu endormis, un peu perdus. Et finalement, dans ce contexte, des idées assez intéressantes peuvent se diffuser. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas le contraire aussi qui se produise, c'est-à-dire des réactions extrêmement violentes. Et c'est pour ça qu'il y a une hausse très importante dans cette région du monde, d'Europe, de l'extrême droite. Oui, alors justement, dans des périodes comme ça, qui viennent malheureusement à travers un cataclysme économique, à travers par exemple au Japon, un cataclysme à travers le nucléaire, on aura l'occasion d'en parler d'ailleurs avec des compagnons japonais, effectivement on retrouve toujours une espèce de semi-effondrement de l'État, et une nécessité tout simplement de survie, comme tu l'as dit. Et je pense que c'est une période où comme les gens retrouvent la solidarité. Mais en plus, au-delà de ça, je pense que les propositions libertaires, anarchistes, peuvent être mieux comprises à ce moment-là. Et je voulais te demander ce que tu sais, toi, de l'analyse que font des compagnons, des compagnes anarchistes en Grèce de la période. J'imagine très bien qu'ils sont dans l'action, j'imagine très bien, sachant qu'ils ont déjà dans des quartiers en Athènes quand même des expériences assez longues de fonctionnement de type libertaire, etc. Est-ce qu'ils ressentent justement cette plus grande perméabilité aux propositions anarchistes, à dire voilà comment on pourrait s'organiser, etc. Est-ce que tu as des échos par rapport à ça ? Oui, mais le problème, c'est qu'on revient de très loin en Grèce. C'est-à-dire que si en France... il y a un peu de respect, on va dire, à l'égard des anarchistes, même si de la part d'une certaine gauche, pas de tout le prisme politique, mais disons qu'il y a un petit peu de respect par rapport à d'autres régions d'Europe, peut-être à l'égard des anarchistes, à cause de la Commune de Paris, de 36 en Espagne, etc. Il y a quelques personnes qui, sans partager toujours nos idées, peuvent éventuellement s'y intéresser, en tout cas les respecter. En Grèce, l'anarchiste jusqu'ici, c'était le terroriste. Hein, à cause du mouvement du 17 novembre notamment, il y avait une vision très très négative de l'anarchiste, qui peut s'expliquer aussi pour une autre raison, à la différence de la France encore, c'est qu'en France il y a une forte laïcité, même si elle n'est pas respectée dans toutes les régions de France. Hein, on a un ami du groupe de Besançon, donc qui connaît bien l'Alsace et la Moselle, et donc il y a un statut différent dans ces régions-là par rapport à la laïcité, Alexandre. On a en Grèce une absence totale de laïcité, c'est le pays le moins laïque en Europe, donc par conséquent, les idées anarchistes, avec le slogan du Dunimètre, en premier lieu, ont du mal à pénétrer les esprits. Il y a un blocage sur ce plan-là. Ce qui a posé longtemps problème à la diffusion des idées anarchistes en Grèce, c'est pas le Dunimètre, qui est presque consubstantiel à l'esprit grec, mais ça serait plutôt le ni-dieu. Voilà, c'est le problème de l'athéisme, d'une vision lucide de l'existence, dépourvue d'illusions, qui a freiné ce développement. Donc après, il y a aussi le fait que l'anarchisme en Grèce s'est développé durant la fin des années 70 et début des années 80, avec des procédés un peu violents, comme dans d'autres régions en Europe. Pas tous les anarchistes, bien sûr, je sais bien, mais quand même, il y a eu des groupes plus ou moins autonomes qui étaient allés loin dans les formes de lutte. Et qui ont laissé une trace. Voilà. Nous en France, on pense à la bande d'Abono, c'est assez loin. Pour les Grecs, c'est assez frais. Et du coup, on a du mal quand même à renverser la vapeur au niveau de l'opinion publique. Moi, j'avais une question à te poser justement sur cet aspect de l'importance qu'a l'Église en Grèce et encore dans d'autres pays. Je ne vais pas faire le parallèle, la situation a été différente, mais quand même. J'ai très bien connu ce qui s'est passé en Pologne avant, pendant et après Solidarność. Et c'est une période où la mainmise de l'Église a été largement remise en cause, en tout cas dans le mouvement ouvrier, mais très largement. Et elle a été extrêmement inquiète. Bon, je n'ai pas le temps de développer sur les magouilles qu'elle a fait. Est-ce qu'à travers ce qui se passe, c'est quand même l'Église est quand même un très très grand propriétaire en Grèce, qui ne paye pas d'impôts. Dans la situation actuelle, est-ce qu'il n'y a pas quand même certaines réflexions dans la population, au moins d'une partie de la population ? Oui, c'est certain. Il y a une évolution du point de vue par rapport à, pas forcément à la croyance en Dieu, souvent par rapport à la religion, mais presque toujours par rapport à l'Église. Hein, c'est trois choses différentes. Hein. Donc, le déisme est encore là, mais le théisme beaucoup moins, et surtout l'appartenance au clergé, le respect de ses dirigeants est beaucoup moins prégnant, et ça se voit de plein de façons. Même la suppression des signes religieux dans les lieux publics sont le fait des fonctionnaires eux-mêmes. Et dans les périodes comme ça où toutes les institutions sont un peu ébranlées en général, qu'elles soient étatiques, qu'elles soient oppositionnelles d'avant, etc. Donc j'imagine qu'il y a une remise en cause, à part certains, de ces espèces de systèmes de partis politiques qui se passait un petit peu la balle comme on le revoit dans d'autres pays. Bon, déjà là-dessus, est-ce qu'il y a vraiment une remise en cause? Je pense qu'elle était déjà en marche depuis un certain temps, mais tu répondras mieux que moi. Et aussi vis-à-vis du syndicalisme, parce que théoriquement dans une période comme ça, entre autres, le syndicalisme pourrait avoir un rôle important de proposition aussi de type de fonctionnement à travers de l'équivalence de bourse du travail comme il y avait dans le temps. Donc est-ce qu'il y a une remise en cause aussi du fonctionnement de ces institutions théoriquement oppositionnelles, que sont les partis, que sont les syndicats ou certains syndicats? Est-ce que tu peux parler un peu de ça? Pour l'instant, sur le plan politique, c'est plutôt un parti qui est remis en question sur à gauche, c'est le parti socialiste grec panhellénique en plus, PASOK, panhellénico-socialistico coma, qui est tombé de 40% presque à 12%, même 11%. Donc l'émergence de Syriza fait que sur le plan du spectre politique, on ne sent pas forcément une remise en question du système partidaire, même si il y a quand même des balbutiements. Par contre, sur le plan syndical, il s'est passé des choses tout récemment qui contribuent à la remise en question profonde de l'organisation des syndicats et de la mainmise en quelque sorte des principaux sur tout le reste du mouvement. Tu peux en parler un petit peu, ça? Oui. Sur le plan factuel, pour ne pas rester que sur les concepts et sur les éléments théoriques, il y a eu la fin de la grève des aciéries. Hein, pas loin d'Athènes, du côté du Pirée, si vous voulez, pour simplifier un peu le schéma géographique. Et donc, la fin des aciéries, de la grève des aciéries grecques, qui était la plus longue grève, qui a duré presque un an, a été liée à plusieurs grandes erreurs des syndicats, si tant est que ce soit des erreurs. Et parmi les principales, ça a été de laisser venir les principaux responsables de Hop Doré, Klissi Avgi, en soutien aux ouvriers en grève. C'est un événement énorme qui s'est produit il y a un peu plus d'un mois. C'est-à-dire, tu veux dire que les syndicats ont laissé venir l'extrême droite? Ils ont même discuté avec. et soutenir les ouvriers. Oui, ça nous semble invraisemblable pour nous. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, et bien le PAMÉ, c'est le grand syndicat de gauche, on va dire un peu marxiste, hein, qui est le principal syndicat, qui déjà avait commis quelques erreurs, à mon avis, sur le plan des actions au niveau du syndacma, devant le Parlement. La place du syndacma, c'est la place du Parlement, le Vouli, le Parlement. Et il y avait des libertaires qui avaient, notamment des Black Blocs, etc., qui avaient essayé de pénétrer dans le Parlement pour ouvrir les portes, hein, pas pour le détruire, et c'était lié par un serment pour ne pas le détruire, pour ne pas mettre le feu, mais pour l'ouvrir à la population qui était en masse, hein, dans Athènes, durant le mois d'octobre passé, notamment. Il y avait eu des grosses manifestations durant deux grands jours de grève générale, très suivies. Et ils avaient empêché, fait tout ce qu'ils avaient pu pour empêcher les libertaires de rentrer dans le Parlement, travaillant dans le même sens que la police, c'est-à-dire que les maths, c'est les CRS à Athènes. Donc, ils avaient déjà commis plusieurs fois ce genre d'exactions ou d'erreurs, hein, on interprétera comme on voudra. Et là, la dernière en date, c'est au moment des élections, de laisser venir les principaux responsables de Christian Avgui, considérant qu'il fallait laisser venir n'importe qui, voulant bien soutenir le mouvement ouvrier. Et ça a tellement semé le trouble parmi les ouvriers que en grève, qui était en grève donc depuis 10 mois, je crois, que le mouvement s'est plus ou moins essoufflé, et que une semaine plus tard, les maths, la police est arrivée, 6 cars de CRS sont arrivés donc au sud du Pirée, et on fait en sorte de permettre à ceux qui voulaient travailler de reprendre le travail, qui n'étaient pas si nombreux d'ailleurs, hein, les jeunes entre guillemets. Et le résultat, c'est que ça a encore plus affaibli le mouvement, et ainsi de suite. Et finalement, le PAMÉ a décidé d'arrêter la grève. Quelques radicaux ont souhaité continuer, mais très peu nombreux. Du coup, tout s'est interrompu très vite. Et ça s'est produit il y a 15 jours pour finir. La fin de cette grève, ça date d'il y a 15 jours. Mais cette grève... C'était la plus longue de l'histoire de la crise récente. Est-ce qu'il y a eu des organisations pour aider financièrement les grévistes? Oui. Est-ce qu'il y a eu des actions menées par des paysans qui amèneraient des légumes, par des gens qui fournissent l'essence pour les véhicules, puis de l'argent, quoi? Oui, tout à fait. Et même venu d'ailleurs, hein, je connais un petit peu ce qui s'est passé au niveau des réseaux de soutien à la grève des aciéries grecques, qui était très, très importante. Et justement, ces gens-là ont été tellement choqués par cette erreur politique qu'ils ont beaucoup moins soutenu par la suite. Et donc, le fonds de solidarité, c'est évaporé. Samuel, je passe maintenant à la parole. Si tu peux nous dire comment est née l'idée de ce film, et comment vous l'avez conçu, et comment il se présente. Oui, bien sûr, les conditions de production de ce film sont déterminantes pour le comprendre, puisque c'est un film action. C'est-à-dire que c'est un film de l'urgence, c'est une forme de ciné-tract, même s'il ne propose pas une ligne immédiate, il se permet aussi de faire des détours en 10 minutes, mais d'aborder plusieurs points de vue. Alors les conditions de production sont celles-ci. C'est dans le cadre d'un atelier qui visait à tester un nouveau logiciel de web documentaire. Mmh. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a abordé le film autour du thème de cet atelier qui était « Vive la crise !» Point d'interrogation. Alors là, j'aimerais donner la parole à Yanis pour qu'il nous donne la première phrase qui a ouvert le film, parce que c'est ça qui nous a amené à cette réponse sur « Vive la crise !» Point d'interrogation. Bien que dramatique, la situation en Grèce n'est pas une catastrophe, c'est même une chance. Voilà, c'était effectivement un excellent point de départ pour nous. C'était le début d'une réponse. C'est pas un film qui apporte des réponses, c'est un film qui pose des questions. Mais dans sa forme web documentaire, il permettait quand même de reconsidérer le mot crise dans son acception grecque, justement. C'est-à-dire le krinine, hein, en grec, le moment du discernement, le moment où les choses sortent. Et en rencontrant le texte de Yanis Yuntas, qu'il a écrit avec Raoul Van Eghem, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose là qui était en mouvement, dans ce moment-là en Grèce, très particulier, puisque les gens étaient obligés d'être dans une forme de dépassement. Et que nous, en France, on était concernés par ça, puisque ça sortait des frontières. Ça devait aller plus loin. Ce texte qui a des connexions avec la pensée situationniste. Voilà, on est ici dans un espace où on travaille vraiment la question libertaire, mais on est déjà là vraiment sur une ouverture. Donc, C'est par ça qu'on a commencé ce film. Évidemment, les images qui allaient pour nous avec ça, c'était des images de détournement. C'est-à-dire que, comme c'était un film d'urgence et un film d'action, on avait 12 heures pour faire les choses. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas faire ? C'est un excellent point de départ. C'est-à-dire, une caméra, on en a une, on n'en a pas une. On a combien de temps pour aller tourner des images ? Un aller-retour en Grèce ? Non. Alors les images, elles existent déjà. Elles sont produites massivement par les télévisions, par les médias de masse, par Euronews en l'occurrence, qui renvoient une image très blessante. Pour le peuple grec, c'est-à-dire très simplificatrice. Rapidement, une dernière séquence, mais peut-être prolonger un tout petit peu sur des choses concrètes autour du film. Donc, je rappelle Grèce générale avec Samuel Val qui est à nos côtés. Et on a bien compris, c'était un film qui est important pour engager un débat. La façon dont les médias dominants déformaient les situations, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et en particulier des situations comme celle de la Grèce, puisqu'on parle de ça. Et c'est d'ailleurs un peu pour ça, je suis à l'origine, un de ceux qui était à l'origine de Radio Libertaire, et je pense que c'est pas pour rien, c'est extrêmement intéressant d'avoir des moyens alors d'informer sur ce qui se passe. Bien sûr, on ne détient pas la vérité, comme tu dis, mais de montrer la différence entre l'image que les grands médias donnent et la réalité que vivent les gens. Et ça, c'est très important. Donc, pour terminer, il y a peut-être un certain nombre de choses qui sont déjà prévues pour la diffusion de ce film. Je crois qu'Yannis souhaitait qu'on en parle déjà, pour si des auditeurs veulent aller l'écouter. Il y aura certainement d'autres demandes, je pense, par la suite. Oui, il y aura notamment un rendez-vous, une série de rendez-vous outre la Bourgogne en Alsace, et ça sera début novembre. Donc ceux qui peuvent être intéressés parmi les auditeurs de Radio Libertaire, pour que ça se passe aussi pas loin de chez eux, autour de l'Alsace, peuvent contacter Alexandre du groupe de Mulhouse, de l'AFA, puisque tout à l'heure j'ai dit Besançon par erreur, c'était Mulhouse. Alexandre qui est dans nos studios d'ailleurs. Voilà. Et qui prévoit des choses sur Strasbourg, sur Mulhouse, bien sûr, et aux environs, surtout en Alsace. Et donc, les gens peuvent se rapprocher de lui s'ils veulent mettre en synergie un peu tout ça. Et donc, Grèce Générale est un support privilégié pour démarrer le débat, justement. Hein. Et de façon à ce qu'on puisse faire le parallèle à ce qui se passe, entre ce qui se passe en Grèce, en France et ailleurs. Est-ce qu'il y a un moyen, je ne sais pas, à travers Internet ou autre, de savoir, par exemple, en Alsace, je ne sais pas, est-ce que sur un site va apparaître... Quand les dates sont fixées précisément, pour que concrètement... j'imagine que dans voilà. Cinémensuel, tu en parleras. Alors, peut-être je le fais mettre dans l'agenda de Cinémensuel. Voilà. Moi, sur mon site, qui est en ce moment pas du tout à jour, il est en reconstruction. Mais normalement, il devrait être au point dans une semaine. Donc, il marche, mais il va être au point dans une semaine. Je ne m'occupe pas assez de... Tu fais beaucoup de choses, pareil. Voilà, je ne passe pas assez de temps pour ça. Je vais m'y mettre, donc il y a une nouvelle formule qui est en train de naître, et il y aura un agenda à la une avec tous les rendez-vous pour accéder à ton site. Alors spécifiquement, on fait quoi dans le moteur de recherche? Top Yuluntas, et je crois que c'est le premier avec ton nom. C'est de toute façon, pour voir vraiment comment son nom s'écrit, vous pouvez acheter les deux livres, je rappelle. non, je fais pas de la pub pour faire de la pub, mais je pense que c'est des livres très intéressants, parce qu'on parlait de l'art aussi tout à l'heure. Non, mais ça, et moi par exemple, j'ai vécu des choses assez fortes sans y être, mais à travers des compagnons, et on en parlera d'ailleurs peut-être avec eux tout à l'heure, pendant la commune de Haraka, qui a duré 6 mois, et pendant la commune de Haraka, il y avait des fresques. Donc c'est important de voir toute la floraison d'initiatives. C'est des initiatives de lutte, mais c'est aussi des initiatives d'existence, quoi. On existe. Déjà, quand on lutte, on existe, mais en plus, des fois, on en profite pour sortir des choses, il peut être des poèmes, etc., même si peut certains, et ça demande un certain travail. Donc, je rappelle tes deux livres. Donc, particulièrement en liaison avec ça, Parole des murs d'Athènes, donc aux éditions Libertaire. Il nous reste encore une petite dizaine de minutes. Je ne vais pas te demander comment tu vas voir la situation évoluer, pas parler de ces initiatives. Est-ce qu'elles ne pourraient pas petit à petit se référer? Est-ce que, par exemple, ne pourraient pas se mettre en place sur le plan alimentaire un peu d'une généralisation, ce que nous on propose, enfin on appelle ça alternative anarchiste en acte, peu importe le mot, mais des circuits courts, des gestions comme ça. Moi, par exemple, j'étais en Pologne, ils avaient commencé à refaire démarrer, à gérer l'énergie. Et c'est d'ailleurs ce qui a précipité l'intervention de l'armée russe, hein, qui a accusé Solidarność d'être anarcho-syndicaliste. Hein, j'ai le texte. Donc, au-delà de ça, après tout, quels que soient les mots qu'on met dessus, est-ce que tu penses qu'il y a suffisamment de force et d'espoir pour que puissent se fédérer quelques-unes de ces initiatives et effectivement être en partie à l'offensive? Bon, c'est peut-être beaucoup demandé aux Grecs, parce que déjà, il faut qu'ils survivent, ils en prennent plein la gueule, et malheureusement, c'est de pire en pire. Mais voilà, ils tressent, oh, bon, 10 millions de minutes pour refaire le monde. Alors, il se passe une période assez particulière, puisqu'on traverse un désespoir qui me semble bénéfique. Je pense que c'est Léo Ferré qui, dans La Solitude, disait que le désespoir est une forme supérieure de la critique, et qui avait commenté cela en disant qu'en quelque sorte, il fallait traverser le désespoir, aller jusqu'au bout dans cette démarche, sans trop trébucher, on va dire, pour arriver à atteindre une forme de lucidité permettant de construire tout à fait autre chose. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui se produit. Et finalement, cette autre chose peut être plus ou moins joyeux, bien qu'ayant perdu beaucoup de plumes en chemin. Il y a un côté en zéro quelquefois dans les campagnes. Là, je rentre de Crète, par exemple, et oui, on n'a pas choisi de faire ce pas de côté, mais finalement, en y en réfléchit, c'est pas si triste. Mmh. Alors, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Je sais qu'après, on m'accuse de faire des clichés quelquefois, d'être plutôt un peu trop gay dans la vision des choses, mais franchement, moi, je rencontre des gens qui sont extrêmement heureux d'avoir réussi à rencontrer, à retrouver certains autour d'eux qui avaient complètement perdu la tête dans le système, à tous les niveaux, au système médiatique, qui passait beaucoup de temps devant la téloge, qui était complètement aliéné par ce consumérisme qui nous conduit au supermarché ou ailleurs sans cesse à trouver des solutions à nos problèmes par le biais du pouvoir d'achat, si tant est qu'il y en ait un. Et aujourd'hui, finalement, par le biais de la contrainte dont on parlait au début de l'émission, il y a une remise en question profonde qui a lieu, qui passe par le désespoir, qui passe par une souffrance, une vraie souffrance, une terrible souffrance, mais qui conduit à une reconstruction de fait, pour peu qu'on ait un peu de contact autour de soi, d'accès à la culture, de possibilité de rencontrer ces fameuses alternatives qui naissent de plus en plus ici et là. Et là, on peut vraiment créer des solidarités et se remettre en question dans son rapport à la vie, dans son rapport au temps, dans son rapport à l'espace. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est que les gens reprennent le temps de vivre. Et en Crète, en particulier, mon île, puisque je suis originaire de Crète, mon père est crétois, c'était quelque chose de très important autrefois. En Crète, il y avait des dictons qui insistaient sur le fait de savoir prendre le temps. Des dictons qui disaient « ça tombera pas plus bas quand vous êtes tombé quelque chose », mais aussi qui insistaient beaucoup sur la nécessité de prendre le temps de vivre. Et Moustaki et bien d'autres en ont beaucoup parlé en France, mais dans leurs chansons. Mais en Crète, c'était des dictons. Vous savez, en Grèce, on dit que quand on est crétois, on vous demande « mais tu es marin ou tu es écrivain ?» C'est forcément l'un des deux pour le grec à l'égard du crétois. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'aphorismes qui viennent de cette petite île. Et je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de naître, bien qu'il soit un peu balbutiant sur certains plans. Jean-Pierre. Oui, je revenais un peu en arrière là. Ce que tu dis, c'est superbe, j'aime beaucoup. Mais tout à l'heure, quand on parlait de la grève des aciéries où l'extrême droite était venue avec le soutien, malheureusement, des syndicats, soutenir ce ouvrier qui a précipité la fin de la grève. Cette extrême droite grecque est originaire de quel milieu social ? Ah. Ouvriers déshérités, petite bourgeoisie. Alors déjà, le noyau dur, c'est des jeunes fanatisés. C'est pas le noyau dur au sens du bras armé, hein, de l'action proprement dite, qui ont un comportement presque de hooligan, on va dire, qui sont complètement fanatisés, qui rêvent à la Grèce antique, à je ne sais quoi, en faisant allusion à ce fameux panhellénisme que regrettent un peu certains Grecs. Hein. C'est vrai que les Grecs ont été tellement humiliés et tellement peu soutenus par la communauté internationale durant plusieurs crises politiques et géopolitiques, comme par exemple l'affaire de Smyrne devenue Izmir dans les années 1919-1921, après le traité de Versailles et le déplacement des communautés, puis par exemple la guerre civile grecque, etc. Dans plusieurs périodes, il y a eu des difficultés de la Grèce, par exemple l'histoire de Chypre aussi, des difficultés, ou l'histoire de la Macédoine également. Il y a eu quand même un certain nombre de problèmes durant lesquels les Grecs se sont sentis un petit peu seuls, et c'est vrai que depuis 1921, 1830, c'est-à-dire l'indépendance par rapport à l'Empire ottoman, ils ont souhaité retrouver plus ou moins des frontières d'origine qu'ils n'ont jamais complètement retrouvées d'après eux, au niveau de la langue, par exemple, du rapport entre le territoire et la langue parlée. Et donc, ça a conduit à une forme de panhellénisme sous-jacent dans le prisme politique, qui d'ailleurs apparaît dans toute la gauche. Hein. Théodorakis, par exemple, bien que moi je l'apprécie beaucoup, c'est quand même quelqu'un qui, lors de l'affaire de Macédoine, a été très nationaliste par rapport à l'histoire du drapeau de la Macédoine, etc., du nom Macédoine. Il y a ce côté-là très présent, et comme je le disais tout à l'heure, le PASOK s'appelle Parti Socialiste Panhellénique, ce qui veut tout dire. Panhellénisme, pan-germanisme, je pense que vous voyez à quoi ça fait allusion. Donc du coup, il y a un terrain plutôt favorable et qui permet à des jeunes d'être très fanatisés. Mais les penseurs de ce mouvement sont plutôt à chercher du côté des militaires et d'une certaine catégorie de policiers qui, d'après le journal Tovima, on en parlait tout à l'heure lors du débat, aurait voté à plus de 50% pour Obdoré, donc Kleci Avgi, le parti néo-nazi. Alors comment on peut expliquer ça? Pour une raison très simple, c'est qu'en 81, 7 ans après la fin du putsch des colonels, et au moment de l'entrée de la Grèce dans la communauté économique européenne, le nouveau président de la République, qui s'appelait Papandreou, l'oncle de l'actuel Papandreou, Andreas Papandreou, il s'appelait lui, a décidé d'amnistier quasiment la totalité de ceux qui avaient collaboré au régime, notamment parmi les militaires et parmi les policiers. Une affaire des fiches comme en 1905 en France, mais à l'envers, on fait pas le nettoyage, on fait le contraire, on les laisse. Et du coup, le résultat, c'est que ces personnes-là, encore au pouvoir censé être en tout cas dans cette situation-là, est extrêmement dangereuse et s'allie souvent avec ses milices lors de manifestations. Voilà, donc je pense qu'on peut vraiment trouver sur ce terrain-là la plupart des énergies de ce mouvement. Et pour avoir essayé d'enquêter un petit peu sur le sujet et avoir discuté avec quelques-unes de ces personnes sans révéler ma provenance, j'ai remarqué qu'ils se sentaient pas du tout proches du Front National en France, mais d'un parti encore plus radical que le Front National et qui pèse, je crois, 2 ou 3 000 membres en France. Ça s'appelle le Parti Solidaire Français. Oui. Et c'est un parti qui se dit de gauche et nationaliste, donc national-socialiste en l'occurrence, mais clairement, et qui d'ailleurs a un site, vous pouvez fouiller un petit peu si vous voulez vous intéresser à la question, et qui a déjà rencontré, semble-t-il, non seulement le parti fasciste italien, mais aussi donc le groupe, le parti Kleci Avgi. Donc on remercie donc Samuel est venu et Yanis aussi, donc je rappelle les deux livres qu'on peut se procurer qui sont relativement récents, hein. Parole des murs d'Athènes et Derrière les mots aux éditions Libertaires, on trouve à Pubito et dans d'autres librairies. Merci à tous. Merci. Merci.